Mesdames et messieurs, le voyage continue. Nous allons maintenant traverser les plus beaux paysages musicaux et rendre visite aux plus grands artistes. Ah, accrochez-vous, on arrive à la scène métal. Ouais, alors tenez bon, après ce sera la variété française. Ce sera plus tranquille. À la rentrée chez SFR, les bons plans sont au programme. Jusqu'au 8 octobre, avec votre forfait Power 50 Go 4G+, Napster est à seulement 1 euro par mois pendant 6 mois au lieu de 9,95 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable pour toute nouvelle souscription à Napster. 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Laetitia Mon Étoile, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de Jean Lafourcade, cadre d'une cinquantaine d'années dans une banque. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Marlène Rocca, adjointe aux relations humaines, pour envisager son licenciement. Ça, c'était il y a 2 ans. Entre-temps, les bureaux de l'agence ont fermé. Les conseillers clientèles ont été remplacés par des robots, Lafourcade le premier. En l'espace de 18 mois, la banque a licencié 950 personnes et fermé 3000 agents sur le territoire. Il y a eu des manifestations, des grèves, des heurts avec la police. Mais Jean n'aime pas la violence. Alors, il a fait comme tout le monde, il a accepté l'ordre nouveau. Ça, c'est le début de la fiction. Mais dans le monde réel, nous en sommes déjà là. En cherchant dans la presse et sur Internet des informations, des explications à cette nouvelle révolution portée par l'intelligence artificielle, nous avons découvert cette publicité d'une banque française, un vrai scénario de fiction et pourtant, je le répète, bien réel. Cet article de communication institutionnelle commence ainsi. Notre banque est l'une des premières banques françaises. Ses 5000 caisses et agences reçoivent chaque jour plus de 350 000 demandes en ligne. Traiter un tel flux, tout en maintenant la qualité de la relation client, était un défi majeur. Il fallait réinventer le rôle de conseiller, faute de quoi la banque risquait de perdre son atout concurrentiel. Après étude, la banque a alors sollicité IBM pour réfléchir à une solution capable de libérer les conseillers des tâches répétitives pour leur permettre de se consacrer davantage aux conseils à forte valeur ajoutée. Puis, nous avons appris que l'application cognitive Watson était en cours de développement et nous avons saisi cette opportunité. Grâce à l'intelligence artificielle et grâce aux robots, nos conseillers ont pu se consacrer à d'autres tâches. Voilà. Alors, encore une fois, fiction ou réalité, progrès ou cauchemar? Certains s'inquiètent de l'arrivée de robots intelligents destructeurs d'emplois, voire d'une intelligence artificielle consciente qui remplacerait l'humanité. D'autres y voient au contraire un nouveau champ de progrès pour l'homme. Qu'en pense Jean Lafourcade, le personnage de notre fiction, dont la place à la banque où il travaillait a été prise par un robot dénommé Laetitia? Vous allez le découvrir. Ensuite, nous recevrons Ariel Kirou, journaliste, rédacteur en chef de la revue Vision Solidaire et membre du collectif de rédaction Multitude. Il est spécialiste de l'intelligence artificielle. Avec lui, nous explorerons ces nouveaux mondes fantastiques des robots et nous essaierons de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle nous fait autant fantasmer. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Laetitia, mon étoile, de François Luciani, une réalisation de Michel Sidorov. Votre dossier est prêt, monsieur Lafourcade. Vous avez une demande particulière? Non, aucune. Signez-la. Voilà. Pour le chèque, on fait comment? Vous pourrez le retirer sous huitaine chez notre avocat, Maître Edelman. Le montant de votre indemnité de licenciement s'élève à 47 544 euros, exactement. C'est une belle somme que la banque vous offre, n'est-ce pas? Avec 25 ans d'ancienneté, c'est conforme au terme de la procédure. Qu'allez-vous faire maintenant, monsieur Lafourcade? Vous avez des projets? À part chercher du travail. À mon âge, ça va pas être simple. pense à ma femme et à mes enfants. Vous avez raison, il faut penser à l'avenir. Nous vivons dans un monde qui bouge. Vous et moi, nous devons nous adapter, on n'a pas le choix. Oui, sûrement. Le monde bouge, comme vous dites, et la Terre tourne. Ah oui, monsieur Lafourcade, la Terre tourne. C'est valable pour nous tous. Je me demande si elle tourne dans le même sens pour tout le monde, voyez-vous. Pardon ? Excusez-moi, c'était juste comme ça. Des mots en l'air. Vous n'êtes pas le seul, vous savez. Je sais. On parle de 900 personnes licenciées cette année. Oh, on dit tellement de choses. Qu'est-ce que ça peut faire, ce que disent les gens, n'est-ce pas ? Et puis, ça change tout le temps. Tout de même. Ça fait un peu beaucoup. Écoutez-moi, Jean. Vous permettez que je vous appelle Jean ? Oui, bien sûr. Bon. Ne vous occupez pas des autres. Cela n'en vaut pas la peine. Pensez d'abord à vous. Le reste n'a aucune importance. Vous comprenez ? Vous avez raison. À Pôle emploi, je vais avoir tout le temps de penser à moi. Vous partez avec une coquette somme, non ? Oui, mais... Tout de même, c'est une sacrée chance. Tout le monde ne peut pas en dire autant. J'ai toujours travaillé, alors. Alors ? J'ai un peu de mal à suivre, voyez-vous ? Vous êtes un inquiet, Jean, ça se voit. Prenez la vie du bon côté, bon sang. Regardez la bouteille à moitié pleine. The sunny side of the street, comme on dit en Amérique. Le côté ensoleillé de la rue. Vous avez raison. Il faut savoir regarder la bouteille à moitié pleine. À la bonne heure. Et la rue du bon côté. Vous n'êtes pas sur le trottoir tout de même. Oh, ne faites pas cette tête. Soyez positif. D'accord. Je vais essayer. Dès que votre chèque sera encaissé, surtout n'oubliez pas de souscrire à l'option Watson, la gestion des comptes en ligne. Vous verrez, c'est très efficace et plein de bonnes surprises. Watson, vous dites ? C'est très facile. Élémentaire, comme son nom l'indique. Merci, Marlène. J'y penserai. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir, Jean. Et bonne chance. Et surtout, pensez à vous. Ça, c'était il y a 2 ans. Je suis allé chercher mon chèque chez l'avocat et je l'ai déposé sur mon compte. Entre-temps, les bureaux de l'agence ont fermé. Les conseillers clientèle ont été remplacés par des robots. Moi, le premier. Cette fois, ça y est, les robots débarquent dans les banques françaises. Pour conquérir 2 millions de clients dans l'Hexagone, Orange Bank a annoncé hier qu'elle allait s'appuyer sur le système Watson du groupe américain IBM. Watson, c'est une solution d'intelligence artificielle qui analyse le contenu des messages envoyés par les clients et qui peut répondre en temps réel à leurs questions écrites. La solution a déjà fait ses preuves au Crédit Mutuel qui la teste depuis plusieurs mois. Le groupe a lui aussi annoncé hier qu'il allait déployer le système d'IBM dans ses 5000 agences. Toutes les autres banques françaises expérimentent ce type de robot. Certains de leurs concurrents les utilisent déjà couramment à l'étranger. En interne, les discours se veulent rassurants. La machine se mettra au service de l'homme et permettra de confier aux salariés les tâches les plus pointues. Mais les syndicats craignent une catastrophe sociale. Force ouvrière estime par exemple que dans 5 à 10 ans, ces avatars pourraient entraîner la suppression de 30 000 postes de conseillers bancaires en France. Seront-ils remplacés grâce à la création de nouveaux métiers ? Rien n'est moins sûr. Et c'est à nous qu'on demande l'effort ! C'est à nous qu'on demande des sacrifices ! Jamais ! C'est à eux de faire les sacrifices ! C'est à eux de prendre sur les profits ! À la Poste, 1 milliard de profits, 851 millions après impôts. Et après avoir acheté... En l'espace de 18 mois, la banque a licencié 950 personnes et fermé 3000 agences sur le territoire. Il y a eu des manifestations, des grèves, des heurts avec la police... Je n'aime pas la violence. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai accepté l'ordre nouveau. Je n'ai jamais revu Marlène, ma responsable des relations humaines, mais j'ai suivi son conseil à propos du logiciel Watson. Le premier contact a été plutôt facile. Un diaporama s'est affiché en fond d'écran, la mer, la montagne, un coucher de soleil sur les dunes, une musique orientale, zen. Puis la voix métallique d'un assistant vocal s'est adressée à moi. Bonjour Jean, bienvenue sur Watson.com. Vous êtes connecté sous le système d'exploitation macOS Sierra 10.12.6. Adresse IP 194, 28, 12, 1. D'accord, Jean ? Oui, sans aucun doute. Oui ou non ? Répondez d'une voix claire et bien en face de l'écran s'il vous plaît, Jean. Ok. D'accord Jean, je vais vous accompagner dans le paramétrage du profil de compte. Souhaitez-vous ouvrir un compte sur Watson.com ? Oui. D'accord Jean, acceptez-vous les conditions générales en annexe au lien suivant, http://watson.condition-général.d'interrogation. Ok. Pour la gestion de vos avoirs, choisissez-vous l'optimisation des placements prévus au contrat ? Oui. D'accord Jean, on se dit tu, ou vous ? Pardon ? J'ai compris assez vite que Watson validait mes réponses au fur et à mesure qu'il répétait « D'accord, Jean », comme on appuie sur la touche « Enter ». C'était un moyen rapide d'alimenter l'algorithme et de croiser mes données personnelles avec la base de données IBM et les profils voisins. Je lui répondais calmement, au fil de l'eau. « Je répète, préférez-vous conserver le vouvoiement ?»« Tu, c'est plus simple. » « D'accord, Jean. » Pour un conseiller en ligne, quelle est ta préférence, un homme ou une femme ? Une femme. D'accord Jean, pourquoi ? Je ne sais pas, je dirais qu'une femme est plus attentive, plus compréhensive pour certaines choses. D'accord Jean, blonde, brune ou rousse ? Blonde. D'accord Jean, tu peux choisir un prénom dans cette liste de femmes, Amanda, Christina, Nawel, Ursula, Laetitia, Patricia... Ornella. Laetitia. D'accord Jean, tu confirmes ce choix ? Oui. D'accord Jean, dans les conditions générales, Watson.com et les entreprises partenaires n'autorisent aucune incivilité, ni écart de langage, ni propos inappropriés. T'engages-tu à respecter les conditions générales, Jean ? Oui. Watson m'a posé ensuite un tas de questions auxquelles j'ai répondu sincèrement pour aboutir au profil idéal de mon robot bancaire. Je dirais 43 ans. D'accord Jean, pourquoi 43 ? Ce serait une femme jeune qui aurait des enfants. Ça me rassurerait. D'accord Jean, quelle nationalité donnes-tu à Laetitia ? Française. D'accord Jean, pourquoi ? On se comprend mieux. D'accord Jean, quel niveau universitaire donnes-tu à Laetitia ? Bac plus 5. J'aimerais quelqu'un de compétent en business. D'accord Jean. Quel centre d'intérêt donnes-tu à Laetitia ? Peinture, littérature, philosophie, science, photographie, cinéma ? Tous. D'accord Jean. Quel sport préféré ? Football, tennis, équitation, golf, basket ? Tennis. J'aime bien le tennis. D'accord Jean. Je récapitule. Ton conseiller bancaire sera Laetitia, 43 ans, blonde, française, sans accent, niveau bac plus 5, formation commerciale, centre d'intérêt multiple, avec préférence tennis. Tu confirmes ? Oui. D'accord Jean, ce choix est irréversible. Tu confirmes ? Oui. D'accord Jean, je te passe Laetitia. Au revoir Jean. Bonjour Jean, c'est Laetitia. Ravie de faire ta connaissance. Nous allons travailler ensemble désormais. Cette fois, c'est tout à fait autre chose. C'est une voix féminine, sensuelle, douce. Rien à voir avec la voix métal de Watson. Son visage s'affiche plein écran. C'est une jeune femme blonde, une expression bienveillante. Elle ressemble trait pour trait aux paramètres que j'avais fixés. Je vois que nous avons beaucoup de points communs. Tu sais qui est en finale du Master 1000 de tennis aujourd'hui ? Non. Veux-tu parier en ligne ? Il y a une promotion jumelée loto sportive 2,50€, 12 grilles, offre limitée 24 heures, française des jeux. Federer ou Dimitrov ? Oui ou non ? Non. Je suis pas très joueur. Très bien, Jean. Que puis-je faire pour toi ? Je sais pas. Quel est le montant de mes avoirs aujourd'hui ? 47 554 euros sur plan, plus salaire Pôle emploi 2450, plus remboursement mutuelle santé 45,80, égale 50 049,80. Voici les taux actuels. Livret A, 0,75%. Compte d'épargne, 1%. PEA, 1,5%. Veux-tu un meilleur placement ? Je peux te proposer plus rentable si tu veux. Non merci, Laetitia. C'est gentil, mais je préfère attendre. Comme tu voudras. Autre chose ? Je veux bien les nouvelles du jour. Les voici. J'aime ma banque. Fortunio. En ce moment, 80 euros offerts. Bienvenue à ceux qui ont de l'argent sans avoir de salaire. Bienvenue à ceux qui ont un salaire sans avoir beaucoup d'argent. Salut, chers traders rentables et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble du Forex. Alors, si vous êtes un débutant en trading... Papa, tu peux me dire ce qu'on fait là, franchement ? Il se trouve que j'ai des économies et j'aimerais bien les mettre en sécurité. Vous vous au Crédit Mutuel ? J'aime ma banque. Une déconvenue que Nadal digère tout de suite. Il enchaîne même 4 jeux d'affilée. La machine est en marche. L'Espagnol conclut le premier set 6-3 en 56 minutes. Pas mal, non ? Qu'est-ce que tu en dis ? Leur truc, ça m'a l'air louche. Tu crois pas qu'on ferait mieux de changer de banque ? Moi, je les sens pas. Mais pour aller où ? C'est partout pareil, il faut s'y faire, Hélène. C'est tout. J'aime pas ça. Mais tu t'inquiètes pour rien, je t'assure. J'aime pas ça, je te dis. Ils font leur nez partout dans notre vie. Je n'avais pas tellement le cœur à lutter. Alors je me suis laissé faire. Watson m'avait lu intégralement les conditions générales du contrat. Cela avait pris plusieurs minutes d'un blabla interminable et j'ai accepté que Laetitia soit jumelée à Google Home. Je peux bien l'avouer, au début, cela m'amusait. Elle savait tout faire dans la maison. Choisir les programmes selon les écrans disponibles et les goûts de chacun, régler le chauffage pour réaliser des économies d'énergie, lancer la cuisson du robot culinaire pour le repas du soir et l'arroseur du jardin le matin, tout en consultant les comptes bancaires en temps réel, nuit et jour, 24 heures sur 24. En quelques semaines, Laetitia est devenue pour nous l'alliée indispensable du quotidien. Elle avait toutes les qualités, précise, cultivée, efficace. Bonsoir papa, ça roule ? Pas mal, et toi ? C'est quand les épreuves du bac ? On pourrait pas parler d'autre chose, tu me saoules. Tais-toi, Benny. C'est bien. Ça tombe à lundi, je crois. Et après, c'est les vacances, non ? Bah oui. On ira où ? Bah, pour vendre. Pourquoi ? Bah, on va encore se traîner 1000 bornes dans cette caisse pourrie. Mais c'est relou. Et en plus, la clim est HS. Mais c'est vrai, ça, Hélène. Qu'est-ce que tu dirais si on changeait de voiture ? Tu crois vraiment que c'est le moment ? Cette caisse, je peux plus la voir en peinture. En plus, elles sont moisies à l'intérieur. Et il n'y a même pas de place pour le chien. Tu aurais un modèle en tête ? J'en sais rien. J'ai pensé à celui-ci, regarde. Toit panoramique, boîte auto, un vrai coffre, GPS, caméra de recul. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais c'est cher, non ? 24 000 euros, prix catalogue. Bah, ils s'emmerdent pas. Et on pourrait prendre un crédit. Ils font des choses avantageuses maintenant. Peut-être, mais c'est pas très prudent. On pourrait pas se faire un petit peu plaisir de temps en temps. Mais oui. Je vais demander à Laetitia ce qu'elle en pense. Hein. Laetitia ? Salut Laetitia. Salut Laetitia. Bonsoir les enfants. Tout va bien ? Ouais, ouais, on est cool. Ça va ? Oui Jean, tu m'as appelé ? Alors Hélène et moi, on envisage de changer de voiture pour cet été. Qu'en penses-tu ? Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Il nous faudra une familiale. On a déjà pensé à un modèle. Et... Tu pourrais nous négocier un bon crédit ? Bien sûr, Jean. Quel montant ? 24 000. Tu veux un crédit gratuit ? Ça n'existe pas, Laetitia, tu le sais bien. Avec un placement optimisé sur Forex en trading binaire, tu peux financer ton crédit par les intérêts du placement, à savoir... Placement 24 000 euros sur 5 ans, soit un rendement à 5,4% évolutif, soit intérêt cumulé 2492,20 euros annuels, soit 207,68 euros mensuels, pour un remboursement de 205,20 euros, assurance comprise, c'est neutre. Tu veux dire qu'on aurait la voiture gratuite ? Oui, si tu veux. Tu es sûr ? Tu peux vérifier en ligne. Sans risque ? C'est un placement à risque limité. Et comment cela ? Regarde. En rouge, la ligne de la cotation est stable depuis plus de 30 mois. C'est sans risque à l'instant T. Et toi, Hélène, qu'est-ce que tu en penses ? Si Laetitia le dit. Oh, mais ce serait trop mieux. C'est comme ça que nous sommes partis à Port-Vendres au mois d'août avec une familiale toute neuve. Toit panoramique, intérieur cuir et climat impeccable. À la rentrée, on a pu aussi changer l'ordinateur de Juliette, acheter un deuxième écran plat, un 127 cm de diagonale, haute définition, refaire la toiture du garage, qui en avait bien besoin. Les placements de Laetitia étaient judicieux. Jamais je n'aurais eu la vitesse de calcul pour imaginer un tel rendement. Hé, hey, papa. Tu sais, j'aurais bien aimé un scooter pour Noël. Jamais de la vie, tu vas te tuer. Mais non, maman, je suis pas bête quand même. Tous mes copains en ont un. Et alors? Pour aller à la fac, ça serait quand même plus pratique. Mais c'est vrai qu'il n'a pas tort, il est grand maintenant. Et puis tu es raisonnable, non? Bah, bien sûr, papa. Ok. Je vais voir ça avec Laetitia. Cette année-là, tout est devenu différent. Vivre était devenu facile. Gaspard a eu son bac S avec mention bien et Hélène a retrouvé le sourire. Il y avait quelque chose en nous qui ressemblait à du bonheur, comme si Laetitia nous avait changé la vie. Bonne nuit, Hélène. Jean? Ouais. Tu sais, depuis un moment, je sais pas comment te le dire, mais... Mais quoi? Je me sens seule, voilà. Mais comment ça, seule? Mais je suis là, non? Je sais bien, mais depuis un certain temps, j'ai l'impression de parler à des murs. C'est bizarre. Avec toutes ces machines, j'ai l'impression d'être plus rien du tout. Mais tu sais bien que je t'aime, voyons. Laetitia par-ci, Laetitia par-là, il n'y en a plus que pour elle. Tu vas tout de même pas me dire que tu es jalouse d'une machine. Laetitia prend trop de place chez nous, voilà. C'est elle qui décide de tout. Moi, je ne suis plus rien. Je compte plus. Mon avis, tout le monde s'en fout. C'est bien ce que je dis. Tu es jalouse de Laetitia. Si ça continue comme ça, je vais la débrancher. Et lui fermer son caquet, voilà. Mais ce ne sont que des aides, Hélène, des outils. Ils sont là pour nous. Mais tu as vu comment les enfants sont contents? Et même le chien, alors? J'ai pas confiance. Hélène, mais... T'as pris un petit coup de vieux ou quoi? Je me demande si les conseils de ta Laetitia sont si futés que ça. Peut-être qu'elle se trompe, après tout. On dit bien que l'erreur est humaine, et les machines, alors? D'abord, ce n'est pas ma Laetitia. Ensuite, elle calcule bien plus vite que toi et moi. Elle travaille nuit et jour gratuitement pour nous servir. Et elle trouve des solutions qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Pendant ce temps, les gens comme toi, ils sont fichus dehors comme des chiens. Il faut qu'on s'adapte, Hélène. Nos métiers sont foutus, on est remplacés par d'autres. C'est logique. En attendant, tu es à Pôle emploi, et pas elle. Mais il faut croire en l'avenir, Hélène, on n'a pas le choix. Allez, dors. Demain, il fera jour. Espérons. Tout de même, jalouse d'une machine. On aura tout vu. Oh, tais-toi, tu m'énerves. Il faut bien le reconnaître. Hélène n'avait pas tout à fait tort de s'inquiéter. Laetitia? Oui, Jean. Tu peux me dire mon avoir aujourd'hui? Négatif de 450,67 euros, intérêt débiteur non compris. Pardon? Je répète. Négatif de 450,67 euros. Comment comptes-tu combler ce découvert, Jean? Le taux est à 19,21%, soit intérêt débiteur 86,57 euros. Soit 450,67 plus 86,57 égale 537,24 euros débiteur. Tu te fous de ma gueule? Pardon? Désolée, je ne comprends pas le mot « gueule ». T'adresses-tu à ton chien Bunny? Putain, mais c'est pas vrai! Je ne comprends pas non plus le mot « putain ». Que signifie-t-il? Où est passé mon fric, Laetitia? Tu m'entends? Je ne comprends pas non plus le mot « fric ». Veux-tu modifier mon paramétrage sur Watson.com? Les intérêts débiteurs s'accumulaient à la vitesse de la nanoseconde. L'épargne de toute une vie fuyait sous mes yeux comme un robinet ouvert et je n'y pouvais rien. J'ai essayé d'appeler la banque. Un assistant vocal m'a répondu. Si vous souhaitez obtenir une information pour ouvrir un compte, tapez 1. Si vous souhaitez obtenir une information sur vos comptes, tapez 2. Si vous souhaitez obtenir une information pour une opération sur vos comptes, tapez 3. Sinon, patientez, un conseiller va vous répondre. Le temps d'attente estimé est d'environ 12 minutes. J'ai attendu le temps qu'il fallait, et même bien au-delà, et personne ne m'a répondu. Pendant ce temps, les intérêts débiteurs grossissaient à vue d'œil. J'ai compris alors que j'étais seul face à une machine livrée à elle-même, programmée selon des algorithmes que je ne connaissais pas. En quelques minutes, mon compte affichait déjà des dizaines de milliers d'euros de pertes. et enfin quelqu'un a décroché. C'était une voix familière. Bonjour Monsieur Lafourcade, vous avez essayé de me joindre ? Oui, Marlène. J'ai vu que vous aviez des problèmes. C'est Laetitia, elle a programmé des placements à risque. Vous aviez donné votre accord ? Oui, mais je savais pas. Il fallait être prudent, Jean. Pourtant, vous m'aviez dit que c'était sans risque, qu'on pouvait faire confiance les yeux fermés. Mais vous savez, Jean, je travaille plus à la banque depuis un bon bout de temps. Et j'ai été licenciée, moi aussi, comme les autres. Je me suis reconvertie dans l'agriculture bio, au soleil, dans le sud. Alors vous savez, maintenant, les conneries de la banque, je m'en fous. Mais alors, mais à qui je peux m'adresser ? Vous avez un nom, un portable, un mail ? Mais j'en sais rien. Mais c'est pas possible, il y a bien quelqu'un. Mais je crois qu'il n'y a plus personne, Jean, à part Laetitia. Essayez toujours. Mais c'est un robot ! Mais je vous l'ai dit, j'ai laissé tomber, je peux plus rien pour vous, Jean. Au revoir, monsieur Lafourcade. J'ai tenté de contacter Laetitia une dernière fois. Laetitia, tu m'entends ? Oui, Jean. Il faut tout arrêter. On court à la ruine. Arrête tout. Tout de suite. C'est impossible, Jean. Avec votre accord, les fonds ont été investis en trading forex sur options binaires. Il faut attendre que les cours remontent. Au revoir, Jean. Mais jusqu'à quand, bordel ? Le trading forex sur options binaires. Trader sur les marchés financiers demande beaucoup d'expertise. Et même en 25 ans d'expérience, je n'en avais pas les compétences. Être présent sur les marchés 24 heures sur 24, sous tous les fuseaux horaires, avoir une vitesse de calcul de l'ordre de la nanoseconde. Je comprenais mieux maintenant pourquoi la banque m'avait remplacé par un robot bien plus rentable. Qu'est-ce qu'on va devenir, Jean ? Mais j'en sais rien. Alors, on va tout perdre ? Mais sauf si les cours remontent. On va devoir vendre la maison ? Mais ne t'inquiète pas, Hélène, tout va s'arranger, forcément. On n'aurait jamais dû les écouter. Je ne saurais jamais ni pourquoi ni comment, mais par chance, les cours sont remontés. Je n'ai perdu que la totalité de ma prime de licenciement, soit 47 554 euros, exactement. La banque s'était bien débrouillée. Après 25 ans de bons et loyaux services, elle m'avait repris ce qu'elle me devait. Watson n'était pas responsable. C'était une question de paramétrage, de l'optimisation des placements sur les marchés. J'avais donné mon accord. Je n'étais pas le seul. J'ai lu dans la presse que plus de 4 milliards d'euros ont été perdus par près de 3 millions de personnes en France sur les marchés forex au cours de l'année. Je suppose que cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Pourtant, Laetitia était muette. J'ai essayé de la joindre une dernière fois. Laetitia ? Bonjour, Jean. Que puis-je faire pour toi ? Rien. Très bien, Jean. Quoi d'autre ? Je préfère me débrouiller seul. Très bien, Jean. Je voudrais te supprimer, Laetitia. Très bien, Jean. Si tu le souhaites, tu peux renoncer à mon option. Veux-tu renoncer à mon option, oui ou non ? Oui, Laetitia. D'accord, Jean. Son visage a aussitôt disparu, laissant la place à un fond d'écran en forme d'aquarium. La voix métal de Watson s'est adressée à moi. Tu confirmes ce choix, Jean ? Oui ou non ? J'ai dit oui. Il m'a répondu... D'accord, Jean. Je n'ai jamais revu Laetitia. De temps en temps, les enfants me demandent de ses nouvelles comme si c'était quelqu'un de la famille. J'avoue que je ne sais pas quoi leur répondre. Elle est sûrement quelque part, dans le nuage. Elle flotte, virtuelle, sur les marchés, au paradis de l'or et de l'argent, comme une étoile sur la toile. C'était Laetitia, mon étoile, de François Luciani, avec Frédéric Andreau, Johanna Nizard, Peggy Martineau, Samuel Charles, Pauline Ziadé, Sophie Gubry, Pascal Loison. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Alice Seyed et Bernard Laniel. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidorov. We'll be right back. Sensible, la fiction. L'algorithme se sophistique et permet de faire des choses de plus en plus élaborées. Therapixel, par exemple. Cette entreprise française travaille sur la mise au point d'un logiciel capable d'interpréter une mammographie. Son président, Olivier Klatz. Aujourd'hui, l'algorithme n'est pas capable d'avoir la sensibilité de l'œil humain dans les produits commerciaux. Demain, on pense que les algorithmes vont réussir à avoir cette sensibilité supérieure à l'œil humain. On pense qu'il y a une révolution qui est en train de se passer dans la détection et dans la caractérisation des anomalies qui peuvent être détectées dans l'image. Finalement, ce que promet cette intelligence artificielle, c'est surtout de gagner du temps. Le médecin pourra se concentrer sur les cas difficiles. La machine fera en fait un premier tri. Aujourd'hui, les radiologues ont du mal à appréhender toute cette quantité d'examens. Donc si on peut avoir une partie des examens où il n'y a pas besoin de leur travail parce qu'on a montré par des études cliniques que les algorithmes avaient la performance des hommes, sur ces cas-là, on peut très bien imaginer les rerouter vers les algorithmes et avoir toujours des radiologues qui travaillent sur les cas où finalement leur valeur ajoutée elle est la plus grande. Donc la machine ne remplacera pas l'homme ? Pas directement. Par contre, elle peut lui mâcher le travail. Du côté des médecins, on peut comprendre malgré tout que cette révolution provoque des inquiétudes. L'Ordre des médecins réfléchit d'ailleurs aux enjeux de cette intelligence artificielle qui pose des questions tout à la fois d'organisation, de formation, mais aussi éthique et juridique, puisqu'IBM commercialise déjà une machine capable d'indiquer aux cancérologues la marche à suivre face à un cancer du sein. Cette machine s'appelle Watson et de récents essais cliniques ont montré que ses recommandations étaient à 96% aussi fiables que celle des médecins en chair et en os. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Laetitia Monétoile, notre invitée Ariel Kirou, journaliste, rédacteur en chef de la revue Vision Solidaire et spécialiste de l'intelligence artificielle. « Bonjour Ariel Kérou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu d'ailleurs dans la fiction de l'affaire sensible de France Inter pour nous parler des mondes fantastiques inventés par Philippe K. Dick. Alors vous êtes journaliste, je le rappelle, rédacteur en chef de solidarum.org, solidarum, pas solidarum, base de connaissances pour l'invention sociale et solidaire, et rédacteur en chef également de la revue Vision Solidaire pour Demain et membre du collectif de rédaction Multitude. Vous avez écrit et coécrit de nombreux ouvrages, dont Réinventer le travail sans l'emploi, ça, l'Institut d'Hydro en 2017. Vous êtes aussi chercheur associé au COSTEC, à l'Université Technologique de Compiègne, et vous avez un grand CV, hein. Vous enseignez l'histoire critique des cultures actuelles à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Voilà. Comment doit-on alors envisager cette future cohabitation entre l'homme et les robots? Je dis bien robots, hein, pas les objets connectés, les applis, mais les robots. Et donc je parle de machines humanoïdes. Et évidemment, la première question qu'il faut se poser autour de cela, faut-il être enthousiaste ou avoir peur, ou les deux? Et dans ce cas, dans quelle proportion? Je pense que la peur est souvent mauvaise conseillère. En revanche, il faut être lucide. Quand on parle de robots humanoïdes, je pense que de vrais robots humanoïdes capables de remplacer un juriste, un médecin, c'est pas pour demain. En revanche, des robots non humanoïdes, logiciels, là, pour le coup, ça risque de se passer beaucoup plus tôt que des vrais robots capables de marcher et de nous taper dans le dos. Alors, ça, on n'y est pas encore. Alors, est-ce que justement, je reviens sur mes applis de smartphone, notamment pour la santé, l'objet connecté, c'est le premier pas vers l'intelligence artificielle? Alors après, il faut faire la différence entre l'objet connecté ou l'avatar qui va servir le particulier. Hein, c'est quelqu'un qui est chez soi, il a son enceinte connectée, il lui parle, il l'a un peu formaté comme il le voulait, et puis il est conseillé. Donc ça, c'est l'une des premières versions. Hein, donc c'est l'avatar pour les particuliers. Et puis après, il y a en quelque sorte les experts, les intelligences artificielles, capables de faire un travail de juriste, de faire un travail de radiologue, de faire un travail d'assureur. Et là, effectivement, le particulier va pas forcément être en contact direct avec ces intelligences artificielles-là, mais elles vont effectivement remplacer beaucoup d'emplois, donc d'emplois très haut de gamme parfois, jusqu'évidemment de simples conseillers bancaires comme dans la nouvelle. Alors, pourquoi dites-vous que vous aimez utiliser la science-fiction et l'art contemporain, bon, on va s'appuyer sur la science-fiction pour le coup, pour être dans le sujet, pour penser et penser l'époque? Penser P-E-N-S-E-R, bien sûr, et l'autre P-A-N-S-E-R. En fait, je dis ça pour une raison assez simple, c'est que si l'on s'interroge sur la prospective, hein, c'est-à-dire tous ces gens qui se donnent comme ambition d'anticiper le futur plus ou moins proche. De façon générale, lorsque c'est commandé notamment par le marketing, on a affaire à des versions du futur, demain on rase gratis. L'intérêt de la science-fiction, c'est qu'elle pose l'hypothèse d'un futur au travers de l'humain, donc du meilleur comme du pire. Elle envisage le pire, mais elle envisage un peu du meilleur, peut-être un peu moins. C'est moins spectaculaire, ça se vend moins bien. C'est pour voilà. Ça. Bon, mais en tout cas, la science-fiction va prendre le regard du gars là, justement, qui est banquier ou qui est conseiller bancaire ou qui est assureur ou qui est policier, évidemment, si on prend Blade Runner. Et ça, c'est tout l'intérêt de la science-fiction, c'est que cette hypothèse-là, elle nous propose de la faire nôtre et de la partager avec elle pour essayer de réfléchir et donc après de penser, c'est-à-dire potentiellement de corriger. Ou pas, des effets de toute cette évolution. Avec la sonnette d'alarme, par exemple, de Kubrick et l'Odyssée de l'espace. Exactement. Quand HAL, l'ordinateur, présente tous les risques de dépasser l'humain. C'est ce film donc de 1968 reste aujourd'hui encore un film culte. Oh oui. Oui, effectivement, c'est une sonnette d'alarme, mais l'intérêt en fait de cette sonnette d'alarme, c'est qu'elle joue aussi de la fascination. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, que c'est assez hallucinant. C'est attirant, répulsion. Voilà, il y a cette connexion, en fait, cette relation qu'on va tisser avec l'intelligence artificielle. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qu'on va vivre. C'est-à-dire que nous allons dialoguer avec les intelligences artificielles. Nous, en tant que particuliers, nous, potentiellement, en tant que professionnels. Et que ce dialogue va être de plus en plus complexe. Mmh. Et donc, le risque de fusion-confusion par rapport à l'humain va l'être aussi. Ça veut dire que dans ce dialogue, il faudra arriver à faire en sorte qu'on puisse dire à la machine, c'est moi le patron quand même. Hein. C'est moi l'humain, c'est moi le patron. Alors, c'est effectivement l'une de mes convictions. C'est qu'à un moment donné, il va évidemment falloir apprendre la politesse aux machines. Hein, je veux dire, et je me souviens d'un des grands responsables de Google qui disait que bientôt, ben voilà, bientôt Internet va disparaître et que c'est une bonne nouvelle. Non, pas du tout. Il faut bien au contraire savoir où sont les machines, qui nous parlent et comment, et être à même de dire non. Parce qu'effectivement, les intelligences artificielles, avant toute chose, vont être des immenses machines de conformisme. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et là dans la nouvelle, encore, c'est très très fort, puisque dans la deuxième partie de la nouvelle, l'avatar, en fait, au fond, il devient l'ami de la famille. Hein, les enfants demandent de ses nouvelles. Laetitia, comment va-t-elle? Bon, c'est très exactement comme dans le film de Spike Jonze, Her, de 2014, avec Joaquin Phoenix. Hein, c'est qu'à un moment donné, eh bien, elle est tellement formidable, et puis, finalement, elle nous cultive, elle nous arrose, elle nous met dans le sens du poil, quoi. Ça nous fait plaisir, tout ça. Et en fait, elle nous enferme sans qu'on s'en rende compte dans notre propre écosystème, dans notre propre confort et notre sécurité. Mais elle crée aussi des conflits, le conflit entre l'homme et la machine. Quand la machine était programmée par l'homme, rappelons-le, hein, elle s'autoprogramme pas. N'importe quelle intelligence artificielle émane de l'homme. C'est lui qui l'a construit. Alors, c'est évidemment lui qui l'a construit. C'est lui. Exactement. Et il en conflit avec elle parfois, mais on peut être très concret. Face à certaines machines, on n'y comprend rien. Là, et on se dit, mais c'est quoi cette domination? Pourquoi cette sorte de masochisme finalement? Parce que d'abord, la machine est serviable. Hein, c'est un esclave en quelque sorte. Bon, et nous la concevons nous-mêmes. Donc, au fond, finalement, elle ne serait pas là s'il n'avait pas quelque utilité, s'il ne nous permettait pas potentiellement, par exemple, de travailler moins ou de vivre autrement. Le seul problème, c'est que d'un côté, nous créons ces machines, nous les créons avec une logique de profit, une logique de rentabilité, et puis nous réfléchissons quasiment pas aux conséquences. Mais parce qu'elle elle nous impose aussi une façon de faire, la machine. Voilà. C'est pour ça que je parlais de conflit. Parfois, c'est une nostalgie bien légitime face à des machines, des esquisses d'intelligence artificielle pour l'instant. On s'est dit, mais c'était mieux avant parce qu'on pouvait faire ça et on se sentait plus libre. C'est ça le conflit dont je parle. Oui, mais il y a les célèbres dialogues avec les répondeurs téléphoniques, oui, si tu veux, qui sont quand même une terreur absolument insondable. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est programmé par des humains, mais ces mécaniques, ces machines, ces intelligences artificielles vont et apprennent de plus en plus toutes seules de désinteraction avec nous. C'est-à-dire qu'elles nous connaissent de mieux en mieux et il y a une part d'auto-apprentissage qui effectivement se construit et qui effectivement est assez retors, assez diabolique. Alors on va se retrouver dans 3 minutes, Ariel Kirou, et on parlera, vous m'avez dit tout à l'heure, ça va venir, on essaiera de voir plus précisément dans quelle échéance, pas de façon trop précise quand même, et puis sur l'emploi, hein, parce que c'est quand même le cœur de ce que vous appelez joliment la nouvelle, notre fiction, vous l'appelez la nouvelle, mais pourquoi pas, une histoire courte, avec un début et milieu. C'est mon côté littéraire qui me rattrape. C'est joli, à tout à l'heure. Back in town, your days get longer, there's a yellow glass dragon who's chasing you around. Sit your head on a silver jet stream when the smoke is rising over your thoughts and your dreams. Watch over, you watch them fall down, your nuts and bolts are all over the ground. You get out, you get out, you get out. Flows through ends and whispers. Ariel Kirouge, et vous êtes allé sur un terrain un peu mouvant tout à l'heure en parlant d'échéance pour l'intelligence artificielle. Alors on peut considérer que vous et moi, on ne verra pas les grands développements de l'intelligence artificielle. Qui les verra, nos enfants, nos petits-enfants? C'est quoi les échéances finalement? Pour être dans un monde où l'intelligence artificielle aura pris vraiment sa place, et beaucoup de place. C'est bien, bien malin, la madame Irma qui donnera une réponse précise à une question pareille. Je crois que l'une des clés de réponse, c'est que il y a d'un côté la faisabilité technique et de l'autre la faisabilité sociétale, voire y compris économique, hein, sociale, de ces nouvelles technologies. Il y a quelque chose qu'il faut bien réaliser, c'est que la faisabilité technique d'un certain nombre de révolutions par rapport à l'intelligence artificielle, elles sont déjà là. Si on parle de chômage, c'est dès aujourd'hui, on pourrait dire qu'un grand nombre d'employés de trading, de conseillers bancaires pourraient être au chômage. C'est techniquement tout à fait faisable. Maintenant, est-ce que la société va l'accepter? Est-ce que les syndicats vont laisser faire? Est-ce que et là c'est une autre question. Est-ce que d'ailleurs même d'un point de vue économique, ça va être rentable de remplacer des femmes de ménage? Je ne sais pas si ça va être très rentable, en fait. Surtout pour nettoyer dans les coins, où il faut des machines très sophistiquées. Oui, mais il faudra qu'on ait un autre rapport au travail, forcément. Voilà. Et donc, la question, c'est que, de toute façon, déjà aujourd'hui, on y est. Moi, j'ai une anecdote, quand même, qui est assez drôle, moi, qui est que je me suis retrouvé, il y a maintenant à peu près 9 mois, dans les bureaux d'une grande banque. Une très grande banque. Bon. Et... j'étais face à quelqu'un chargé de la prospective, puis deux autres personnes, en fait, qui travaillent sur les logiques d'innovation. Et puis, je leur ai dit de but en blanc, vous n'avez pas le choix. Parce que vous pouvez, dès maintenant, virer à la moitié de la population de votre banque. Vous n'avez pas le choix. Et à votre place, ce que je ferais, c'est que je créerais une sorte de revenu universel pour tous vos employés. Et puis, parce que quand même, être conseiller bancaire, c'est pas très rigolo, je transformerai pas mal de vos agences, soit en Fab Lab, c'est-à-dire en laboratoire pour faire des outils, pour monter des projets, soit en jardin partagé. Et il y a 5 ans, ils m'auraient rionné. Là, ils m'ont dit, ouais, on en a bien conscience. Mais bon, les esprits sont pas encore tout à fait prêts au sein de la banque, il y a encore quand même beaucoup de conservatisme, et puis il y a les actionnaires et tout ça. Mais, c'était pas totalement inentendable, je veux dire. Et donc, que ce soit au niveau de cette banque, ou que ce soit au niveau de la société, bien évidemment, soit on se dit, on se raccroche tant que faire se peut aux anciennes lunes, soit on s'est dit, quelle société va avec ça potentiellement? Et c'est là où on revient effectivement au revenu universel. Et un autre rapport au travail. Un autre rapport au travail. Parce que déjà, il n'y en a pas pour tout le monde, c'est pas qu'on puisse dire. Avec l'intelligence artificielle, il y en aura de moins en moins pour tout le monde. Donc c'est un nouveau paradigme, en fait. Oui, en tout cas, beaucoup d'études, il y en a certaines qui parlent de 40%. Bon, alors d'autres plus timides, comme celle de l'OCDE, de France Stratégie, parlent de 10% de chômage dans les 5 ans qui viennent. Quels que soient ces chiffres, je pense que s'attacher encore aujourd'hui à ce qu'on a appelé la destruction créatrice, c'est la théorie d'un certain économiste qui s'appelait Schumpeter, comme quoi, quand on détruit les emplois, à moyen terme, il y a autant de nouveaux emplois qui naissent. Voilà. C'est une sorte de dogme. Bon, voilà. Ouais. Alors, on y croit ou pas? Perso, j'y crois pas. Je crois à aucun dogme, quel qu'il soit. J'avais compris. Voilà. Bon. Donc, et je trouve d'ailleurs plus amusant, plus malin de se dire, puisque les choses se transforment, essayons de réfléchir et d'agir pour une société qui soit différente. Et donc, un autre rapport au travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle finalement d'activité, on parle de faire. Je veux dire, élever un enfant, c'est du faire. Militer pour une association, c'est du faire. Monter des logiciels baroques pour faire je ne sais quoi en termes de solidarité, là encore, c'est du faire. Et comment, donc, on s'organise pour faire en sorte qu'un maximum de gens puissent justement, plutôt que d'être au guichet d'une banque avec une gueule de 10 km de long, comment on fait pour que cette même personne-là, elle s'amuse et nous amuse, nous fait plaisir et nous permet de nous construire au sein d'un jardin partagé, au sein d'un laboratoire ouvert. Et franchement, en termes de société, si l'on pense à la tête de ce conseiller bancaire, c'est quand même beaucoup plus passionnant et beaucoup plus intéressant. Donc assumons cela. Mais après, on se dit, comment on fait pour que ces gens non seulement puissent vivre décemment, donc après il y a la question de comment ils vivent d'un point de vue pécunier, et comment ils font pour, au-delà de la survie, vivre réellement. Bien. Alors, ça pose aussi, on l'a vu, ça pose des questions quasi philosophiques, un autre rapport de l'homme à l'homme, de l'homme au travail. Puis ça pose la question de la responsabilité. On a pu voir récemment que l'intelligence artificielle peut déraper, voiture autonome qui écrase un passant, Tay, l'intelligence conversationnelle de Microsoft qui se met à tenir des propos racistes et néo-nazis sur le réseau social Twitter. ça montre ses limites quand même. Oui, même Alexa en fait qui a espionné Alexa de donc de d'Amazon qui a espionné donc des certains clients ouais. En fait hein. Et effectivement, les nouvelles technologies, c'est un moyen du pire comme du meilleur, c'est une puissance qui augmente, mais une puissance du pire comme du meilleur. Et donc effectivement, il faut être lucide, en avoir conscience. Si on ne cherche pas à construire une façon de vivre et une société en rapport à ces technologies avec un regard lucide sur elles, c'est elles qui vont nous transformer. C'est leur société ouais. à elles et donc à aux concepteurs de ces technologies qui, plus que jamais, donc aux marketeurs, je veux dire, aux pouvoirs qui ont plus de moyens pour nous imposer ces technologies, bah, qui vont fabriquer notre société. Et ça me rappelle d'ailleurs les débats qu'on a pu entendre, qu'on a pu lire dans la presse, avant l'arrivée d'Internet, ce qu'on appelait l'autoroute de l'information. On disait, mais notre vie va changer, les gens vont plus parler, et on cherchait déjà, alors peut-être l'a-t-on pas fait assez bien, je ne sais pas, mais un autre rapport de l'homme à l'homme face à ce progrès-là. Ça me rappelle un peu les discussions qu'on avait à ce moment-là. Oui, je pense qu'il faut, sans cesse avoir ces discussions. Hein. C'est-à-dire qu'il faut laisser la pratique s'organiser, laisser les gens détourner, s'approprier les technologies, et vraiment avec la liberté la plus totale, parce qu'il y a une inventivité humaine qui est quelque chose d'assez extraordinaire, mais en même temps qu'on pratique, il faut penser ces pratiques. Alors, pourquoi la recherche publique française et européenne est-elle, alors c'est ce qu'on dit, dépassée? Certains disent que nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle vis-à-vis des Américains ou des Chinois. C'est vrai ou ça c'est encore un fantasme? On pourrait... La question est mal posée. C'est une réponse à quelle question? En fait, donc, on est les idiots utiles de... Dites que je pose mal mes questions. Non. Mais non, mais c'est ça qui me fait référence. Moi, qui dit type de discours? J'ai déjà débattu avec lui à de multiples reprises, hein, pour ne pas le citer. Allez, citez-le. Laurent Alexandre. Ouais. Bon, c'est lui qui parle comme ça. Bon. Il a à la fois raison et tort. Il a raison parce qu'effectivement, si l'on prend l'hypothèse de la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et des logiques de plus on est rentable, mieux c'est, il faut vraiment être derrière les GAFA et faire pareil, il a raison. Si l'on se dit, ça suppose un autre type de société, ça suppose une réflexion profonde, et que peut-être que plutôt que de faire la même chose, on pourrait faire quelque chose de différent, ça, il ne le dit pas. En fait, pourquoi? Parce qu'il reste dans un monde qui est un monde totalement compétitif. Pour lui, tout est compétition, et même s'il a raison, je préfère avoir tort, et penser qu'il y a également de la coopération, il y a également du plaisir, il y a également de la vie, et à un moment donné, je me refuse à vivre dans un monde où il n'y a que des traders et des banquiers. Voilà. Bon, alors, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, c'est un robot qui vous posera une question et pas moi? Peut-être que là, vous aurez des questions bien posées, monsieur. Oui, c'est ça. Non, a priori, dans une émission de radio, non. Je pense pas. Je pense en revanche qu'on pourra, et c'est déjà le cas, en fait, parfois, utiliser, par exemple, dans une interview d'un homme politique, l'intelligence artificielle, en live, pour tout de suite voir les mensonges. D'autres chiffres que ceux qui nous sont donnés en direct. Je pense que l'enjeu majeur demain, ça va être de s'approprier ces technologies, justement, pour s'amuser plus, faire un peu plus mal, mordre un peu plus. Je veux dire, une machine, comment pourrait-elle mordre un intervieweur à France Inter? Il peut mordre, il peut s'amuser, il peut faire des blagues, il peut changer de registre. L'intelligence, c'est changer de registre, c'est d'aller vers l'inattendu, en fait, vers ce que on n'a pas prévu. Bien sûr. C'est-à-dire, bon, et justement, hein, par rapport à l'IA, par rapport aux grandes entreprises, il faut faire des choses que nous n'avons pas prévues. Et ça, c'est l'enjeu. Et pour l'instant, la radio, à mon sens, sans intelligence artificielle, reste quand même plus forte en termes d'imprévus que ce que des robots pourront faire. Bon. Dans l'avenir plus ou moins proche. Bon, vous êtes autorisé à revenir une prochaine fois après ces propos-là. Vous êtes déjà venu une fois, ça fera trois. Oui, merci. Merci à Kérou, au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Laetitia Mon Étoile. Une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Michel Sidorov et Al Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet, Julien Chabassu.